Ainsi s'achève notre émission, après ce petit détour en musique avec Yann Garbarek en particulier. Pour toute information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, je vous renvoie vers le téléphone de l'apostrophe, le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois, ou sur le site internet, là lui aussi tout à fait riche en informations, le www.l'apostrophe.net. Tout attaché en un seul mot, l'apostrophe.net. Remerciements à tous nos invités, Jean-Joël Le Chapelain, Olivier Coulon-Jablonka et Isabelle Méchalis. Remerciements ainsi à Arnaud Vasseur, qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à Damien Gissa pour sa réalisation technique. Émission préparée et animée comme chaque mois par votre serviteur et animateur José Guérin. Cette émission sera rediffusée samedi 15 octobre de 9h à 10h, toujours sur la même onde curieuse et passionnée de RGB au 99.2 FM, mais également sur internet au www.radio-rgb.net, en streaming et en podcasting pour les amateurs qui voudraient réécouter cette émission. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, c'est pour le mercredi 9 novembre de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe, à Cergy Pontoise, ou bien sur votre antenne de radio locale RGB sur le 99.2 FM. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.